Aymeric, c'est on en est où de la compréhension? Il y a du pour et du contre. D'accord. Bon. Et bien justement, Aymeric, c'est le moment de prendre un petit peu de hauteur et de faire de l'analyse critique et de l'épistémiologie sémantique. C'est à moi. C'est ce que tu m'as promis, hein, en tout cas. C'est, mesdames et messieurs, Aymeric Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu. Vous devez deviner qui je suis. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ça, j'ai appelé mon fils Jean-Sive. Ah, oh, regardez, il est bien le nouvel album d'Amir. Aymeric Lompré déprimé. Bon, non mais ouais. Si, ouais. Non, ça marche pas, mais non ça marche. Après, quand t'es au fond du trou, dur de trouver le mot qui fait mouche, hein. Non, j'ai pas la pêche. Les vacances, elles vont faire du bien là. Déjà parce que je vais pouvoir terminer mon puzzle du château de Chambord, et aussi parce que là, l'émission là, oh là là, ouais. Avec tous les invités qu'on reçoit, hein, putain, entre Chapoutot avec le nazisme, Flore Judé avec l'auberge des migrants, Pierre Rigaud avec la chasse, Claire Nouvian avec l'écologie, et la Christophe Cassou du GIEC, c'est qui le prochain, l'inventeur des Vosges? Putain. Alors aujourd'hui, on reçoit Philippe Necoulant. Philippe, bonjour. Bonjour, Guillaume. Alors Philippe, vous êtes l'inventeur des Vosges. Mais c'est pas tout, parce que vous avez également l'inventeur de vases. Non, Guillaume, je crois qu'il doit y avoir une erreur sur vos fiches. Je suis inventeur de la vase. Ah! Et comment avez-vous réussi à réunir vos deux passions? J'ai inventé le Havre. Bon, l'invité vient de se suicider. Je vais donc faire ma chronique. Oh non, pas la chronique de Guillaume! C'est ce qu'il y a de pire dans l'émission! Arrêtez! Là, je fais le public. Arrêtez! Arrêtez de vous suicider, le public! Non, on peut pas s'arrêter! C'est trop triste! Moi aussi, j'ai envie de me suicider. Babylone, Babylone! Mais qui êtes-vous? Je suis régisseur. Mais vous devriez déjà être mort! Il a tué le régisseur! Amenez un médecin. Bon, allez, C'est pas drôle. Allez, l'actualité! L'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas une victime de PPDA qui serait là. Bon, bah, du coup, il y a prescription. Tiens, puisqu'on parle de gros porcs. Depardieu, allez, on attaque Depardieu. Tout le monde voit ce que c'est un peu Depardieu? L'élégance d'une tranche de lard avec la confiance d'un pilote de ligne. Mais est-ce que tout le monde se souvient de la phrase que Gérard a dit dans le documentaire de Yann Moix en parlant d'une fillette qui était en train de faire du cheval? Est-ce que vous voulez que je vous la redise? Si, on va la redire. On a mis des tuck bags à vomi sous les sièges. Allez, c'est parti. Si jamais il galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte là. Voilà, alors bon. Alors pour sa défense, Gérard a déclaré. Merci Pierre. Alors je vais traduire, hein. Voilà. En plus j'ai fait meilleur Habib, deuxième langue. Donc, alors. Cela voulait dire, je ne parlais pas à une petite fille, mais à une femme adulte. Et je réclame 3 millions pour montage frauduleux. Donc là, déjà, on se dit, non, non, Dieu, défense du dernier espoir. Hein, qui a volé le chocolat? Quel chocolat? Mais c'est pas fini, parce qu'il s'avère qu'il parlait vraiment de la petite fille. Hein, voilà, ça a été prouvé. Du coup, Depardieu, pas con, il a déclaré... Merci Pierre. C'est bien fait. Alors je vais traduire. Maintenant sa défense est: je jouais un personnage de fiction. Waouh. Là c'est plus une défense, c'est un saut dans le vide, quoi. C'est qui a volé le chocolat? Quel chocolat? Demande mon chat. Voilà. Non mais attendez. Alors là, le coup du personnage. Ça c'est génial. Je veux dire, si ça passe, après c'est quartier libre, quoi. Je veux dire, Éric Zemmour, ben non, je suis pas raciste, c'est un personnage. Patrick Balkany, ben non, je suis pas un voleur, c'est un personnage. Dieudonné, non, bon. Non, ça marche qu'avec les blancs. D'ailleurs, ça marche pas mal en ce moment avec Nicolas Bedos. Alors lui, son personnage, il dit qu'il était bourré. Voilà, c'est le personnage du bois. Alors plus audacieux, hein, voilà. Et ça marche, hein, parce que les acteurs, là, on les entend pas trop. Parce que tu vois, c'est Nico. Et peut-être qu'il va encore réaliser quelques films, et puis voilà, s'il y a moyen de taffer. Ah si, Guillaume, j'ai trouvé un truc encore plus déprimant que ton émission, le showbiz. Allez, vivement les vacances, merci d'avoir écouté. Merci Aymeric Lompré. Merci beaucoup. Aymeric, que vous pouvez retrouver tous les lundis au théâtre La Renaissance à Paris.